LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. I believe in a Soviet system. And here I was working for the FBI, the enemy. La guerre froide dans nos têtes, une série documentaire d'Anaïs Quien, réalisée par Benjamin Hu. This is the KGB Blue Book, where Tuomi is listed under his Soviet name. The major threat to the world today, communist imperialism. Longtemps, la guerre froide c'était romanesque. C'était des ponts peuplés d'espions, des couples déchirés, des inventions folles, des ambitions sans limite, des morceaux de bravoure et de grande trahison. Son souvenir était excitant et inoffensif, parce qu'elle était terminée et avec elle toutes les guerres. En tout cas, c'est ce qu'on a voulu croire jusqu'à ce qu'une nouvelle guerre éclate en Europe. Depuis, la guerre froide est convoquée sans cesse, pour essayer de comprendre ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas compris, pour redessiner la carte du retour à la sauvagerie. La guerre froide est terminée, mais elle façonne encore notre regard sur le présent. La guerre froide est dans nos têtes parce qu'elle impose des scénarios, des décors, des héros, des anti-héros, des stéréotypes qui nous parlent encore et qui peuplent la représentation caricaturale des sociétés de part et d'autre d'une frontière disparue. Un monde nouveau est sorti en 45-46 en armes. Après la guerre, on ne faisait pas le paradis. Non, c'est des conneries de curé, tout ça, la SDN, l'ONU, toute cette merde. Non, on voulait simplement faire un monde dans lequel tout ça ne pouvait pas se reproduire. Alors on a coupé en deux. D'un côté, les bons, avec moi, ici. Et de l'autre, mon frère, là-bas en prison, chez les méchants. Un camp, l'autre camp, chacun dans son camp, et personne ne passe, personne. C'était une guerre, sans morts, pas beaucoup de morts. C'était une guerre immobile. Épisode 1, la séparation. C'est l'histoire d'un homme qui attend sa femme depuis longtemps. Le 7 juillet 1947, Alfred Hall lance un appel déchirant à la radio au vice-président de l'Union soviétique, Vyacheslav Molotov, afin qu'il autorise Clara à le rejoindre en Grande-Bretagne. Alfred était employé à l'ambassade britannique à Moscou pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a rencontré Clara Strumina dans les couloirs du Bolchoï. Ils se sont mariés 2 mois plus tard et Alfred est retourné à Londres pour préparer la venue de sa femme qui attend déjà leur premier enfant. Je suis un des 15 maris anglais dont les femmes soviétiques n'ont pas la permission de quitter l'Union soviétique pour nous rejoindre en Angleterre. Et je suis ici aujourd'hui pour faire appel à M. Molotov. Je veux dire, avant toute chose, qu'il n'y avait aucune irresponsabilité ou de légèreté dans nos mariages. Pour moi, j'adore ma femme. Et je suis sûr qu'il n'y a pas dans le monde entier une autre femme pour moi. Et je dis ça après une séparation de 16 mois. Nous ne pouvons pas manquer une seule occasion de retrouver notre bonheur. Et notre bonheur est en ce moment est dans les mains de M. Molotov. La loi interdisant les mariages entre personnes de nationalité soviétique, notamment des femmes, et des occidentaux, elle date de février 1947. Andrei Kozovoy est historien et spécialiste de la guerre froide côté soviétique. Il y a toutes sortes d'obstacles qui sont érigés sur la voie de ces unions-là, obstacles bureaucratiques. Le KGB peut convoquer aussi... Donc après 54 ans, pour essayer de dissuader ces femmes, parce que ce sont surtout des femmes, d'épouser les Occidentaux, en les menaçant, en faisant du chantage, la motivation principale, officielle, on va dire, de l'État soviétique, l'État stalinien, c'est de dire, vous savez, ces femmes ont été dupées par ces Occidentaux, elles sont parties, elles se sont retrouvées dans un pays étranger où elles ont été finalement malheureuses et discriminées. Elles ont souffert. Donc pour empêcher cela, voilà, nous avons érigé cette loi tout à fait humaniste. Les vraies raisons sont autres, elles sont à la fois liées à la démographie. Donc nous sommes après la guerre, en 1947, l'Union soviétique se reconstruit, et l'Union soviétique, il faut se rendre compte qu'elle a payé le prix le plus fort, le plus lourd qui soit, hein, y compris sur le plan démographique. 27 millions de morts. Donc on demande aux femmes soviétiques de faire beaucoup d'enfants, pour le dire simplement, après la guerre, pour repeupler ce pays. Et on va pas les laisser partir comme ça. L'autre raison, pour simplifier, c'est une raison bien sûr idéologique. Nous sommes dans une période de guerre froide, vraiment froide, où les camps opposés sont bien délimités, et tout contact avec un étranger, surtout les Américains, est perçu comme une trahison. On va condamner les femmes soviétiques, parce qu'il y en a beaucoup qui vont aller être déportées, être envoyées en prison au goulag, sur la base de l'article 58 du code pénal soviétique, l'article 58 qui est un article idéologique, où les gens sont condamnés au motif qu'ils ont soit diffusé, soit commis des actes de nature anti-soviétique, anti-communiste. Voilà, donc c'est un crime politique finalement que d'épouser un étranger. La séparation d'Alfred et Clara Hall dure 7 ans. 7 ans au cours desquels ils s'échangent plus de 400 lettres. Après avoir gagné ensemble la Deuxième Guerre mondiale contre le nazisme et le fascisme, une nouvelle guerre d'influence entre les vainqueurs dévore la paix retrouvée. Les deux champions de la paix, les États-Unis et l'Union soviétique, rompent leur alliance et replongent le monde dans un affrontement de plus de 40 ans qui sépare le monde et ses habitants. À l'ouest, les États-Unis dirigés par Harry Truman et leurs alliés. À l'est, la Russie de Joseph Staline, maître de l'Union soviétique. Bon, il y a deux systèmes politiques et économiques qui se mettent en place, assez incontestables. Sandrine Cotte est historienne et spécialiste de l'histoire allemande. Ils s'affirment tous les deux comme deux modèles de société internationaux et universalisables, comme les meilleurs modèles du monde. Donc d'un côté, on a le socialisme d'État, avec donc une économie centralement planifiée, avec une réduction des inégalités sociales, et puis donc une prise en charge collective d'un certain nombre de choses. À l'Ouest, on a donc une économie de marché, avec des systèmes politiquement démocratiques, enfin avec des élections, etc. Alors que à l'Est, il y a cette idée que c'est le Parti communiste qui, au fond, détient d'une certaine manière la représentation politique populaire, qu'il est l'émanation en fait du peuple. Mais évidemment, ces dirigeants ne sont pas choisis, donc en fait, ce sont des dictateurs politiques, clairement. La guerre mondiale est terminée. La guerre pour le monde vient de commencer. Dans tous les pays libérés, il va y avoir une bataille entre les Russes et nous pour leur offrir de l'aide. 1947, c'est une bonne date pour commencer cette histoire de la guerre froide. Petit à petit, des frontières visibles ou invisibles sont tracées. La circulation des hommes, des femmes et des idées devient un des grands enjeux de cette guerre. Alors c'est effectivement relativement progressif. Pierre Grosseur est historien et spécialiste de la guerre froide. C'est-à-dire qu'il y a une première étape qui est liée à la fois à la carte de guerre. C'est-à-dire qu'il y a déjà un partage de l'Europe qui se fait, j'allais dire, entre guillemets, naturellement, parce que l'Allemagne est au milieu de l'Europe. Today, almost 2 years after the last great battles of World War II, American troops are still heading overseas as occupation forces for conquered Germany. Et donc, vous avez les troupes anglo-américano-canado, tous les pays de la coalition du côté occidental, donc qui vont vers l'Allemagne depuis l'Ouest, et évidemment les troupes soviétiques qui arrivent depuis l'Est. Donc on est avec cette coupure qui en fait va rester, qui ne va pas changer. La seule différence, c'est qu'on pensait, en tout cas du côté occidental, que il y aurait une sphère d'influence relativement ouverte des soviétiques, et donc que les occidentaux pourraient encore avoir un peu d'importance. Et puis progressivement, eh bien les soviétiques font pression sur les occidentaux qui sont présents. Vous avez la victoire des communistes par des élections truquées sous le soutien de l'armée rouge, ou alors des victoires militaires comme Yougoslavie, qui font que l'Europe de l'Est en 48, avec le coup de Prague qui est le dernier moment, passe sous la domination soviétique. Donc ça, c'est même pas une question diplomatique. C'est une dynamique qui se fait, même si aujourd'hui on pense que Staline n'avait pas planifier de communiser l'ensemble des pays que l'armée rouge occuperait. D'accord, c'est un phénomène qui a été progressif pas tellement liées à ce que les Occidentaux ont fait, mais aussi à des dynamiques toutes simples d'occupation, c'est-à-dire que les Soviétiques ne savent pas administrer autrement qu'à la soviétique. On sait en gros ce que ça veut dire. Et c'est évidemment un moyen aussi de faire des réformes sociales, de transformer ces pays-là. L'objectif étant que tous ces pays-là ne soient plus jamais des ennemis de l'Union soviétique. Et la seule façon de s'assurer que ça ne soit pas des ennemis de l'Union soviétique, c'est que ça ne soit plus des États bourgeois, des démocraties parlementaires, mais que ce soit des États socialistes. Donc ça, à la limite, c'est même pas vraiment une question d'interaction. Après, si on regarde la chronologie de la guerre froide, vous avez 46-47, ou ce qu'on appelle souvent la montée des tensions, où dès le début de 46, on a l'impression l'Union soviétique fait tout pour essayer de dominer ingurgiter ses conquêtes, en évitant justement que les Occidentaux mettent trop leur nez dans leurs affaires. Et du côté occidental, notamment avec ce fameux discours de Churchill sur le rideau de fer, l'impression qu'on a du mal à savoir ce qui se passe dans les zones occupées par les Soviétiques. Et l'Allemagne, c'est pareil. Progressivement, les Occidentaux font leurs réformes dans leur coin. L'Union soviétique fait des réformes assez violentes, à l'est de l'Allemagne. Et donc, là aussi, finalement, alors que l'Allemagne devait être administrée en commun, en fait, chacun fait ce qu'il veut, d'une certaine façon, dans sa zone. Au centre de ces deux groupes d'États, Berlin résume au seuil de cette année l'un des problèmes les plus délicats de l'après-guerre. Berlin, où une municipalité chasse l'autre, où une population divisée vit selon des règlements, des ordonnances, une monnaie même, variant d'un secteur à l'autre. Berlin, coupé du monde occidental par le blocus soviétique et qui entend éternellement rouler dans son ciel les lourds cargos du pont aérien. Berlin, dont cette année devra dire si elle peut encore devenir le point de rencontre confiante de deux civilisations. Il y a les événements, les dates, les lieux de la guerre froide. Il y a aussi ces mots. Rideau de fer, dans la bouche de Winston Churchill, ancien premier ministre britannique, ou encore contenir l'expansion, l'endiguer, qui vont devenir les éléments de langage du président américain Truman et de son administration. La guerre froide, et je crois que c'est très important, dit son nom au sens où elle est qualifiée, donc en 47, assez vite en fait, par les observateurs. Jean-Vincent Olyndre est politiste. Sa spécialité, c'est la stratégie. Ce qui n'est pas du tout anodin, eh bien, elle devient en quelque sorte l'objet d'instrumentalisation politique dans le discours. On ne va pas parler de guerre parce que, d'une certaine façon, ce qui va déterminer la guerre froide, c'est évidemment la crainte d'un conflit ouvert entre les deux principaux acteurs, les États-Unis et la Russie soviétique, et la crainte que ce conflit ouvert ne débouche sur un affrontement extrême. Donc la guerre froide joue ce rôle-là, en quelque sorte, voilà, de moment où la guerre continue, sans dire complètement son nom, en tout cas de la part de ceux qui la font. Dès le mois de février 1946, un télégramme diplomatique, signé de George Kennan en poste à Moscou, sème la panique. Ce n'est pas sa longueur démesurée qui le rend extraordinaire, c'est la description d'une nouvelle menace qui change tout. Alors l'impact de ce document, il est limité au gouvernement américain, parce que c'est un télégramme secret. Mais par contre, à l'intérieur du gouvernement américain, il va beaucoup circuler. Alexandre Riosbord est historien, spécialiste de l'appareil d'État états-unien. Il y a deux hommes clés qui vont assurer la circulation du document. Le premier, c'est Avril Harriman, qui est le supérieur de Kennan, qui va distribuer le document, notamment qui va le faire passer au Pentagone et au Joint Chief of Staff, pour qu'ils aient tout de suite le contenu de ce document. Et l'autre, c'est James Forrestal, qui va littéralement tomber amoureux du télégramme. Il le trouve tellement fantastique qu'il va en faire des copies, et il va le faire diffuser partout à l'intérieur de son ministère de la Marine, et il va même le faire rentrer quelques mois plus tard au curriculum d'études du Naval War College. Donc ça devient carrément le document qui permet de comprendre la position soviétique en ce début de guerre froide. Il circule et il a une influence très claire, ce document, sur l'idée qu'en fait, en cas de guerre, le devenir des États-Unis est lié au devenir de l'Europe occidentale. Et donc l'idée qu'il va falloir essayer de réarmer cette Europe occidentale. En quelque sorte, c'est le début de la politique du containment partout dans l'appareil d'État. Ce télégramme met en place les soubassements analytiques de la politique du containment et en même temps enclenche un mouvement qui, six mois plus tard, aboutit au consensus de guerre froide à l'intérieur de l'administration Truman. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord, les ministres, l'appareil d'État, l'appareil militaire, tout le monde est bien d'accord pour dire que ça y est, on a basculé, on est dans un monde qui est dirigé par une opposition avec l'Union soviétique. Le 14 juin, le pont de Magdebourg était fermé, Le 15 juin, trois postes frontières étaient également fermés. Le 20 juin, la circulation des cars alliés était interrompue dans le sens ouest-est, avant de l'être également. La définition même, le concept même de guerre froide a toujours été rejeté par les soviétiques. Sabine Dulin est spécialiste de l'histoire de la Russie et de l'Europe orientale. C'est le premier qui reconnaît le terme de Kholodnaya Vayna, donc guerre froide, c'est Gorbatchev. Avant, la guerre froide, elle appartient à l'Occident. C'est pas du tout revendiqué du côté du bloc communiste, qui est considéré comme le bloc de la paix, du progrès, et non pas de la guerre. Donc il y a incontestablement l'idée que le bellicisme, l'agressivité, elle est du côté de l'impérialisme allemand puis américain, on va dire, dans la sortie de Seconde Guerre mondiale, et que, au fond, la guerre froide leur appartient. Et de ce fait, la doctrine Jdanov, c'est effectivement une mise en marche d'une propagande, d'une idéologie qui vise à resserrer les rangs dans le cadre du nouveau bloc des pays qui ont été libérés puis occupés par l'armée rouge, donc en Europe de l'Est. Et donc c'est l'idée de resserrer les rangs face à cette nouvelle menace qui apparaît, qui serait la menace à la fois du revanchisme allemand et de l'impérialisme américain. Avec évidemment le moment 47 qui est aussi un moment où l'Est renonce à tout ce qui aurait été très bénéfique de recevoir, hein, c'est-à-dire notamment les capitaux qui sont distribués en Europe par le plan Marshall. Et il y a eu des hésitations, hein, parce que finalement, on était à l'Est dans un grand besoin de reconstruction. C'était la partie la plus dévastée de l'Europe. Et de ce fait, évidemment, la richesse américaine pouvait être importante. Mais le choix, là aussi, très idéologique, est de refuser cette aide parce que ça impliquerait de rentrer sous l'influence de celui qui devient un adversaire dans ces années 46-47. À Bordeaux, en compagnie de M. Jefferson Caffrey, ambassadeur des États-Unis, deux ministres français, M. Pinault et Coudet du Foresto, sont venus accueillir le premier cargo chargé de fournitures envoyées à la France au titre du plan Marshall. On sait que le plan Marshall prévoit pour la première année l'ouverture d'un crédit de quelque 250 milliards de francs qui arriveront sous forme de blé permettant la soudure, de matières premières et d'outillage. L'autre élément de partage de l'Europe assez net, c'est le plan Marshall. Pierre Grosseur. Dont le but était bien entendu d'éviter que la misère favorise l'exercice du communisme, de redresser l'Europe de l'Ouest, de la lier aux États-Unis, pour éviter que l'Union soviétique profite finalement de toute cette capacité de guerre qu'il y avait notamment en Allemagne, malgré les destructions aux Pays-Bas, en Belgique, dans le nord de la France, etc. Et donc là où vous avez rupture de l'Europe, c'est évidemment ceux qui acceptent le plan Marshall et ceux qui le refusent. Et les deux pays de l'Est, comme on commence à les appeler, la Pologne et la Hongrie, au départ souhaitaient faire partie de ce plan Marshall et en gros Moscou leur dit non. Bon. Et donc là vous avez forcément un partage économique de l'Europe qui se met en place. Et le plan Marshall amène, et c'était un de ses objectifs, la création donc d'une Allemagne de l'Ouest, donc le 8 mai 1949, qui provoque en octobre 49 la naissance d'une république démocratique allemande. Donc réponse à la création de la République fédérale. Absolument, absolument. En fait, les deux grands, leur rêve, c'était d'avoir une Allemagne qui soit liée à eux. Bon, une Allemagne unie liée à eux. C'est évidemment très difficile de faire des élections libres dans la zone d'occupation soviétique. Donc, on n'a jamais eu ce type d'élection. Et en fait, chacun, finalement, s'est contenté de ce qu'il avait et a essayé de en faire progressivement une vitrine, finalement, de son propre camp. Quand on regarde le détail de la soviétisation de l'Europe de l'Est, ce qu'on voit, c'est que le rideau de fer, en réalité, il tombe assez tardivement. Justine Faure est historienne, spécialiste de la guerre froide et des circulations scientifiques internationales. Donc même pas en 46, très clairement, mais pas non plus en 47, ni même en 48, hein, mais plutôt vers 49-50. En fait, c'est le moment où les représentations occidentales dans les démocraties populaires sont fermées ou réduites à un très très petit nombre. Donc les instituts culturels ferment, il est pratiquement impossible pour un journaliste d'un non accrédité en très petit nombre de travailler en Europe de l'Est, pour prendre l'expression de la guerre froide. Les services culturels des ambassades sont réduits à pratiquement rien. Donc vraiment à partir de 49-50 et je dirais jusqu'au milieu des années 50, il y a un vrai rideau de fer, c'est-à-dire que c'est vraiment une frontière hermétique, avec bon toujours marginalement des possibilités de passage, mais elles sont relativement faibles. À Berlin, à la suite des récentes mesures prises par les autorités soviétiques, les transports sont menacés d'arrêt complet. Et ces images de tramways bondés sont peut-être les dernières que les Berlinois verront d'ici de longs jours. Comme en un match, revanche, les alliés de l'Ouest, marquant point pour point, ont mobilisé pour subvenir aux exigences du ravitaillement de la ville une véritable armada aérienne. De 1948 à 1961, on prend position. Les territoires, et jusqu'au ciel, se recouvrent de lignes de partage. On se dilate aussi loin que possible pour empêcher l'ennemi de prendre place. Si la circulation entre les deux sphères d'influence se fait encore, elle ralentit progressivement jusqu'à la construction du mur de Berlin en 1961, l'incarnation par excellence de la séparation de ces deux parties du monde qui se tournent désormais le dos. La séparation entre les deux Berlins se fait plus dure chaque jour. Par des gestes multiples, la population de Berlin-Ouest manifeste sans répit sa colère tout le long de la barrière qu'elle nomme le mur de la honte. Depuis quelques jours, le gouvernement de Pankow fait de nouveau renforcer cette barrière qui interdit totalement l'accès de la porte de Brandebourg. Un véritable mur de béton, haut de 2 mètres, doublé par des chevaux de frise, qui rappelle la ligne Siegfried, sépare les deux Berlins. Prétexte officiel, accroître la sécurité de Berlin-Est. Meine Frau und zwei Kinder stehen drüben. Und habe angefragt, ob die Pakete bekommen haben. Fiction. Qu'est-ce qui se passe? En réalité, pourquoi le mur de Berlin est construit? Parce que c'est pas pareil, le mur et pas le mur quand même. Sandrine Cotte. Une fois que le mur est construit, on peut vraiment plus passer, alors qu'avant, on peut passer. Donc, pourquoi est-ce que le mur va être construit? En fait, le mur est construit d'abord sur l'insistance des dirigeants est-allemands, de l'Allemagne de l'Est, donc de Walter Ulbricht à l'époque, et avec l'assentiment des soviétiques, donc de Khrouchtchev qui dirige donc l'Union soviétique à l'époque. Il n'a pas été construit contre l'avis des soviétiques, mais ce ne sont pas les soviétiques qui ont voulu cette division, en quelque sorte. Donc, il y avait des raisons qui étaient des raisons économiques propres à la RDA, donc la République démocratique allemande, l'Allemagne de l'Est, pour vouloir construire ce mur. Ces raisons économiques, elles étaient essentiellement donc la fuite, le départ d'une partie assez importante, franchement, de l'élite cultivée est-allemande vers l'ouest. En 61, il y a environ 200 000 personnes qui partent à l'ouest. Et c'est quand même un pays qui a, à l'époque, environ 16 millions d'habitants. Donc 200 000 personnes, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Et donc c'est une hémorragie. Or, cette hémorragie, elle concerne en fait des groupes qui sont des groupes particulièrement importants pour l'économie est-allemande, qui sont d'abord les cadres du régime, enfin, donc les gens éduqués, en fait, les ingénieurs, etc. Et puis les jeunes et donc effectivement ce sont les populations qui sont les populations les plus importantes pour le redressement économique de ce pays et pour la construction économique de ce pays qui partent à l'ouest. Et c'est en fait la construction du mur du point de vue de Ulbricht et des communistes est-allemands, donc du SED, le parti communiste est-allemand. C'est d'abord donc la volonté d'arrêter cette hémorragie. Et ça va un peu au départ, l'idée donc d'une frontière étanche, ça va un peu au départ à l'encontre de l'Union soviétique, des dirigeants de l'Union soviétique qui pendant longtemps ont en fait caressé l'idée d'une Allemagne unifiée qui serait une Allemagne démilitarisée et sur laquelle ils pourraient éventuellement donc exercer une influence plus importante. Alors bon, cette idée elle est abandonnée disons, assez clairement dès la deuxième moitié des années 50. Mais enfin, ça rentrait pas vraiment dans le cadre de leur politique de créer cette frontière étanche à l'intérieur de Berlin et ensuite dans l'ensemble du bloc. Pendant la dernière semaine, j'ai pensé seulement à cette fuite et j'ai regardé chaque jour, du matin jusqu'au soir, le plan de Berlin pour trouver encore un trou où je pouvais passer la frontière. Toutes ces frontières étaient tellement gardées qu'on ne pouvait plus s'enfuir. Hier, j'ai eu la chance de recevoir alors une carte d'identité fausse. Et avec cette carte d'identité fausse, j'ai traversé cette frontière. J'ai eu peur, je le dis tout franchement, mais en ce moment-là, j'ai compris, je crois bien que j'ai compris pour la première fois vraiment ce mot, la liberté, ce que veut dire la liberté. Donc de fait, effectivement, cette frontière, on le sait, c'est une frontière terrible hein, qui a séparé les familles et puis sur ce mur, donc, sont morts. Bon, on dit à Berlin globalement, les évaluations actuellement, c'est 140 personnes en tout. Hein, donc c'est pas évidemment, c'est pas des milliers de personnes, mais enfin c'est déjà 140 de trop et c'est une évaluation basse, plutôt basse, 140. Uniquement à Berlin. Donc c'est vraiment une frontière. Très étanche pour le coup, hein. Faut bien comprendre, hein, c'est pas seulement un mur, des zones très militarisées de chaque côté, et on voit très bien donc comment est construit ce mur. C'est donc une zone relativement importante, et effectivement, c'est tout à fait le symbole de cette division de l'Europe en deux. On peut dire que c'est un symbole, mais c'est un symbole qui ne rend pas forcément compte de l'ensemble de la réalité. Hein. Donc, faut pas s'arrêter, faut pas considérer que l'Europe est traversée par le mur de Berlin. Il y a le mur de Berlin qui est une réalité et qui est une réalité meurtrière, effectivement. Mais ça ne résume pas l'ensemble de la période qu'on appelle la guerre froide à lui tout seul. Parmi les familles et les couples séparés par la guerre froide, les Hall ont pu formuler publiquement cette séparation et y mettre fin, après de très longues négociations diplomatiques, devenues ensuite parfois impossibles. Clara Hall et son fils atterrissent au Canada le 7 septembre 1953, où les attend Alfred. Tony, have you heard from your husband since you got your visa? Yes, I called him up twice. On the telephone. And I got letters from him as well. Il y a les mots, mais il y a aussi les émotions, un système nerveux et des réactions de guerre froide. Il y a cet horizon d'avenir dont on ne sait pas ce que sera l'avenir, qui sera peut-être ordinaire, qui sera peut-être celui d'une apocalypse, et donc il y a un sentiment d'angoisse diffus. Emilia Robin, historienne, spécialiste de la guerre froide. La peur se décline également en paranoïa. N'importe qui peut être un adversaire. Les cinquièmes colonnes, les services de renseignement, la propagande, tout ceci agit contre notre camp, contre notre modèle, contre notre système. Et donc n'importe qui, un touriste, un journaliste, un film, n'importe qui, n'importe quoi, peut être un vecteur de l'influence adverse. Donc doit être soupçonné. Donc il peut y avoir cette tendance à la paranoïa. On l'a vu avec McCarthy, il y a d'autres occurrences dans d'autres circonstances. Ça peut être la peur directe lors des moments de crise où, d'un seul coup, il semble que l'horizon futur incertain pourrait être pour demain et l'apocalypse pourrait être pour demain et pas seulement pour un avenir indéfini. Si la guerre est froide, c'est aussi parce que la peur règne depuis la démonstration de la force de destruction inédite de l'arme atomique à Hiroshima et à Nagasaki en 1945. S'affronter directement devient synonyme d'une destruction mutuelle assurée. Il ne s'agit plus seulement de contrôler les champs de bataille et les ressources, mais d'entrer dans les têtes et dans les corps pour modeler deux civilisations rivales. C'était le premier épisode de la guerre froide dans nos têtes avec Andrei Kozovoy, Sandrine Cotte, Pierre Grosseur, Emilia Robin, Justine Faure, Alexandre Riosbord, Jean-Vincent Olindre et Sabine Dulin. Nuclear war.